savoir leur retourner le bras, les rendre à la police et tout ça. Exactement, c'est pas facile. C'est vrai que c'est difficile. Force aussi. Oui, oui. La police font un travail très très compliqué. Ça, je le reconnais. Mais c'est passionnel, hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais faut que tu rentres à la police. Mais, hein. Mais c'est pas mon dada. Je peux pas faire police. C'est pas ton dada. Non. Tu veux pas rentrer? Non. Moi, c'est pompier ou SIAP. Oui, c'est pompier ou SIAP. C'est pompier ou sécurité. Ouais. Incendie. Ouais. Moi, j'aurais fait tous les corps intermédiaires. J'aurais fait militaire, pompier, policier, ambulance. En une vie. Bon courage à toi. Moi, j'aurais fait tout secteur. Hein. Bon courage. Ah, non, ah, ça, oui. Tu peux le faire. Tu voudrais faire ça. Mais déjà, la radio, c'est pas mal. Hein. Mais d'abord, ils font passer par l'institution de la métanoïa. Après la métanoïa, les placent à la police. Oui, non, mais nous. Ils les placent dans le secteur du service national. Métanoïa, on n'est pas trop police, nous. Mais bon, on respecte le désir de chacun. Hein. Mais oui. C'est plutôt l'accueil. Moi, j'aime bien l'accueil. Il faudrait créer comme ça des postes d'accueil universels. Accueil de l'âme, accueil de l'autre. Accueil de l'étranger, accueil du bizarre. Ça, en fait, la métanoïa, elle enseigne aux familles qui viennent de l'immigration. Ils enseignent le Jacques Chirac. Ils enseignent la matière du Jacques Chirac. Tu comprends comment elle est? Non, comment c'est quoi les Jacques Chirac? Cette matière-là. C'est quoi les Jacques Chirac? Le Jacques Chirac, c'est une matière du français. Mais ils sont en train d'apprendre le français, mais avec des difficultés qu'ils ont. Ouais. Ils sont en train d'apprendre à cause d'ici. À cause de quoi? D'ici. Ouais, la métanoïa. Puis oui, la métanoïa, mais aussi parce que la métanoïa, c'est que l'autre, même s'il est étranger et différent, c'est comme toi-même. Tu vois, on est pas... apporte aux autres, apporte la pensée aux autres. On n'exclut pas les gens parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont un peu bizarres, ou parce qu'ils sont étranges, ou parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ne parlent pas. On les accueille. Comme toi, tu fais, quand les gens arrivent, tu dis bonjour, bienvenue, on est content que tu sois là. C'est pour ça que tu es un métanoïaque. Après, il y en a qui vont sortir avec le travail, il y en a qui vont sortir sans travail de la métanoïa. Mais tu sais, on va à la métanoïa, ouais. C'est parce que le cursus les envoie vers un autre cursus après, ouais. De travail. Les envoie vers un autre cursus de travail. Ouais, la métanoïa, c'est comme un tremplin, on propulse les gens. Et après, on trouve quelque chose, une ouverture de soi, et après, il les envoie vers un travail de la fonction publique après. Oui, ou de la fonction privée, ou de la fonction artistique, ou de la mathématique. Ou du théâtre, oui. Où elle donne un poste à la municipalité, ou dans le jardinage, ou dans le VSP. Moi, c'est d'accord. Où il donne après, c'est le rôle du maire. Après, c'est le rôle du maire. Mais ici, en métanoïa, il n'y a pas de maire. Ouais. Après, c'est... Il n'y a pas de père non plus. tu rigoles, parce que après cette métanoïa, qui décide du destin de chacun d'entre nous? C'est Monsieur Stéphane Hervé. Stéphane Hervé? C'est le maire de Rondy qui décide. Ah, oui. C'est Monsieur Martin Zingler qui décide. C'est Monsieur Serra qui... C'est Madame Bernadette qui décide. C'est Monsieur Bastien. C'est Serra qui décide. C'est qui décide. C'est toi qui décide. Madame Clarence Edge, c'est qui décide. C'est Madame Elodie Paul qui décide ici. Et toi, tu décides pour toi-même aussi. Tu es libre. Oui, mais c'est moi qui décide. C'est pas nous qui décide tout seul. Mais c'est aussi le cadre dirigeant qui est en face de nous qui décide de notre vie. Mais là, nous, les métanoïaques, on décide en commun. Et puis, on décide en commun et tous ensemble. Et on respecte aussi les désirs de chacun. Toi, par exemple, tu veux être plein de choses. Parce que dans la vie il faut toucher à tout. Tu comprends? Si vous étiez médecin, c'est parce que vous avez touché à tout dans la vie. Vous avez... Excusez-moi. Prenez un micro. Qu'est-ce que vous Il est un peu court, il faut donner un autre. Attends, je vais changer les câbles. Je suis très fatigué, j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais je tiens encore. Oui, allez-y. J'ai peut-être, que je suis sûr, 3 petits-enfants. Petits-petits-enfants, derrière petits-enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne le connais pas. Mais mon fils, je ne sais pas. J'ai jamais vu. On m'a dit que j'ai 3 petits-enfants. C'est dur, hein? 3 petits-enfants. Ici, j'ai un. En Espagne, j'ai autre. Au Portugal, j'ai la troisième. Je suis très fatigué. Ah, vous êtes très fatigué, c'est ça? Parce que je dis la vérité. Ah, vous êtes fatigué et... Je dis la vérité, on ne coiffe pas. Même ma famille ne me comprend pas. Ah, ta famille ne te comprend pas? Non. C'est compliqué, hein? Pourquoi elle ne vous comprend pas, votre famille, monsieur? Le dernier métier que j'ai fait, oui. C'est comme diplomate à l'ambassade de Cap-Vert. Oui. La dernière personne, j'étais chauffeur. Oui. La dernière personne que j'ai amené à la gare, c'était le, président de la République. Ah oui. Il m'a donné un conseil, il s'agit de la personne. Oui. Si la France ne veut pas de noir, comme on voit chez moi, je suis fatigué de ces histoires, excusez-moi. T'es fatigué des histoires, télévision, tout ça. Ah, vous êtes fatigué de la télévision, vous ne voulez pas écouter la télé. Oui. Des gens, que, je ne suis pas bien ici. Je suis bien chez on moi. On est prêt à vous aider s'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous oui. Savez, hein. Oui. Prends le micro, Bastien, voilà. Je crois rester ici 2 jours. Si je reste 3 jours, ça va mal se passer. Il y a 2 jours que je... Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Ma soeur et mon... Ma demi-sœur, ils m'ont, je m'appelle plus. Ils m'ont dit de venir ici. J'ai dit non. C'est moi qui décide. Et c'est ma femme qui a appelé la plus. Je suis très bien élevé, pas. Ah, vous êtes très bien élevé. Oui. Ma femme, c'est une fille de joie. Ah, c'est une fille de joie. Vous savez qu'est-ce que c'est une fille de joie? Une fille qui a la joie en elle. Non, une prostituée. Ah, une prostituée, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Et elle est chez moi en train de me casser les excusez-moi, les... Comment on dit en français, casser les os. Comment on dit en français ça, Bastien? On est... Sinon, qu'est-ce que vous voulez dire? On est tous majeurs, ici. Ah. On dit, on casse les couilles. Il y a un autre micro, là. Prenez un autre micro, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vas-y, allez. Bah, c'est que ça, vous pouvez parler, hein. Merci, c'est gentil. Bah... J'ai rien de spécial à dire. Non, moi, il faut qu'on arrête de casser les castagnettes parce que j'en ai marre. Les castagnettes? Si. En espagnol, ça veut dire deux yeux. Oui. J'ai trop voyagé, je connais l'Europe, toute l'Europe. À l'Afrique, je connais que trois pays. C'est le Sénégal, Guinée. Non, deux pays. Sénégal et Guinée. Non, Guinée. Ok, on vous attend, Fofanata. En Afrique, je connais 3 pays. Béatrice, tu peux mettre les plus échelles. Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau. Ah, vous avez connu la Guinée-Bissau. Et Conakry. Et Conakry aussi. Je suis allé avec ma mère. J'étais pas bien dans ma peau. Moi, je connais bien le Sénégal. Ah, le Sénégal, c'est bien le Sénégal. J'ai adoré. Ah, on est sur une autre planète. Par contre, le problème, c'est quand j'y suis allée, c'était le moment des élections. Ah, c'était le moment des élections, ça vous donc, a il y avait énormément de militaires et de policiers. Bonjour. Bienvenue à la radio. Je peux continuer? Ouais. Vous pouvez rester avec nous, hein? Continue, c'est fascinant, on est sur le Sénégal. Tu peux noter, Bastien, le Sénégal, on va aborder à 5h. Mais c'est vraiment, je suis allée aussi en Ouzbékistan, on est vraiment sur une autre planète. Les immeubles ne sont pas du tout les mêmes que chez nous, les maisons ne sont pas du tout les mêmes que chez nous, les habits ne sont pas du tout les mêmes que chez nous, la mentalité n'a absolument rien à voir avec la nôtre. Et je sais pas, je crois qu'il y a faut connaître un peu cette pauvreté qui fait que les gens sont superbes. Excusez-moi, il n'y a pas de mineurs ici? Pardon? On est tous adultes, ouais. Bon, je commence un peu à perdre la mémoire. Moi, je suis allé avec Guinée-Bissau avec ma mère. Vous êtes à Guinée-Bissau avec votre mère? Pour on était chez sa tante ou sa soeur. Je me rappelle plus, c'est sa tante. J'ai vu que c'était... J'étais pas content. Les gens boivent beaucoup. Ma tante boivent. Ah, ils boivaient beaucoup votre tante, c'est ça? Ils boivaient beaucoup. Et son mari était fou. Je comprenais rien. Ah, vous avez compris rien après? Oui. Vous étiez fou après, vous comprenez rien. Il y a des femmes qui venaient vers moi, je disais non, je suis pas peiné, hein. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec cette misère? Mais t'as pas accepté cette misère, t'as envie de te proposer, t'as envie de te projeter dans la vie. Oui, j'ai vu un marabout là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait, le marabout? C'était 7 jours chez lui. Il m'a dit, un jour, tu viendras à Guinée-Bissau pour me dire merci. Il est parti pour vous dire merci, le marabout? Moi, pour être là-bas. Pour gagner là-bas? Mais il est tout vieux, je crois qu'il, je pense pas qu'il ait envie. C'est une promesse que je... Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. J'ai ouvert les yeux en France. Ah, t'as ouvert les yeux en France. C'est-à-dire, on m'a mis dans une banque. Ma mère a parlé avec le président de la banque. On m'a mis dans la banque comme coursier. Ah, il vous avait mis comme coursier à la Banque de Guinée-Bissau. C'était, non, à la banque portugaise. À la banque portugaise. Ici, en France. Bon, pardon. Ah, oui, merci. Bonjour, madame. C'est votre prénom, c'est Caroline. Caroline, bienvenue à la radio. Bonjour. Oui, bonjour. De quoi vous voulez parler aujourd'hui? D'un code. Ah, vous allez parler d'un code. D'un code, oui, un code. Quel code vous voulez nous parler? Alors, il existe dans le monde entier des numéros de code qui permettent d'avoir de l'argent. Ah, wow, ça m'intéresse. Oui. Ça m'intéresse parce que j'ai besoin d'argent là. Ça nous intéresse à tous, les métanoïaques. Nous allons aller dans la Holding Palace. La Holding Palace. Holding Palace. Donc c'est le. Un point. notez. Elisabeth, notez s'il vous plaît. Attends, Holding, tu peux fermer la porte parce que trop de bruit. Oui, il y a Quentin qui arrive. Ah, ok. Allez-y, je vous écoute, madame. Il faut faire un point. Oui. Un point virgule. Point virgule. Deux points. Deux points. Trois points de suspension. Trois points de suspension. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Point d'interrogation. Point d'interrogation. 346. 346. D. D. X. X. N. N. G. G. Dièse. Dièse. Point. Point. Après, il faut... comment on appelle ça? Il faut valider. Oui. Et après, il va se dire, il sera, oui. Ce numéro n'est plus attribué. Il ne faut pas faire attention. C'est pour décourager la personne. Il faut attendre que ça passe. Oui. Et puis après, ça passe et ça marche. Et ça marche. Il y a combien d'argent qu'on peut avoir avec ça? Beaucoup. Beaucoup. C'est la Holding Palace. Merci. Holding Palace, ça s'appelle. Ok, le métanoïaque, est-ce que vous écoutez à la radio? Si vous avez besoin d'argent, courez à la Holding Palace. Et on va avoir l'argent que Caroline nous a... Merci Caroline, hein, pensez à nous et de nous dévoiler le secret de l'argent. Ça va Mathieu? Oui, ça va. Oui, bienvenue à Radio Métanoïa. Bonjour. Yamina, bonjour, bienvenue. Vous pouvez vous approcher, hein, Sébastien, il y a cette place. Ici, oui, Sol, tu as ta place. Profanata, on est nombreux, le métanoïaque aujourd'hui. Salut Quentin, salut Fofanata, salut tout le monde. Ça, c'est le grand Fofanata, regarde, il y en a un nouveau. Du top. On n'a pas assez de place sur les tables. Il va falloir, hein, comment on peut faire pour que tout le monde rentre? Est-ce que si on met les deux tables ensemble, peut-être, tu vois? Et les amis, je vous propose qu'on mette ces deux tables ensemble, comme ça on rentre tous autour de la table pour pouvoir s'y mettre. Attends, on peut essayer, non? Comment on peut faire? Sol, tu veux mettre une musique pour ranger l'espace? Mais n'importe quoi, tu veux? Tu câbles... Attends. J'en fais un mal à l'aveugle. Ils étaient là, il faut que tu le suives, là. Ça, ouais, voilà. Ok, on va mettre un peu de musique pour revenir. On est plein de métanoïaques aujourd'hui. Pour vous donner d'écouter les secrets pour aller trouver de l'argent. Pour ceux qui ont besoin d'argent... Caroline nous a donné le secret des Holding Palace. Et vous l'avez raté parce que vous êtes en retard. Sinon, vous auriez eu plein d'argent ici. Voilà, on va mettre un peu de musique. On va réaménager les lieux. Oui, allez-y. Il est temps qu'on finisse de ménager. J'ai gagné l'auto. Okay. Un million d'euros. Un million d'euros? Oui, ma mère était à l'hôpital. Je suis allé le voir. Je dis, maman, j'ai gagné. Ah oui? Il est parti où cet argent? Ils ont applaudi. Attends, on va. Mon fils a gagné 70 000 euros. Non. Ah oui, vous êtes tous fortunés ici. Qu'est-ce qu'on fait? Non, là, c'est pas moi, c'est mon fils. Ah oui, super. Mais c'est pas mal parce qu'il a 30 ans. Au loto là? Ouais. Récemment? Il y a un an. Waouh. Donc ça marche alors, il faut jouer. 15, 32, 26. Moi, mon souhait. 15, 32, 26. Jouez tout le monde au 15. C'est Longchamp. C'est des chevaux mécaniques. chevaux mécaniques. Il faut jouer à ça en ce moment. C'est le moment. C'est le moment. Allez, allez, allez tous à jouer 15, 32, 26. Comme ça, vous allez gagner. C'est le moment. Chevaux mécaniques. Metanoia, elle pense à vous, à votre argent. Allez tous jouer. Ouais, surtout. Prends le micro pour Régis. Ouais. Oui, oui, on vient de parler de Hara en plus en entretien. Là, j'étais avec un mec qui connaissait bien le fils de Jean Gabin et qui ressemblait à Jean Gabin. C'est rigolo. Jean Gabin. Voilà, donc s'il y a des numéros précis de Jean Gabin, vous jouez, ça peut marcher. Non, ça, c'est pour le pas. Tiens, tu as ça. Je reprends, mon sens. Je fais ça. Merci. Et. Tiens, on va essayer. Moi, ce que je vous propose, c'est que. Attends, on va faire le changement de truc. Camille ? Avec ça, ça devrait marcher. Oh, on entend. super. Mais c'est quoi bravo, bravo. Ouais. C'est quoi ton groupe? Tu peux dire au micro. C'est quoi? Vas-y. Alors, le groupe, c'est Silent Poets. Et featuring Leila Aidu. Voilà. Et la musique s'appelle Asylum for the Feeling. Ça, et le cover, c'était fait par Bastien. Bastien, oui. N'oublions pas Bastien qui a fait le cover. Ouais, merci, bah... Bastien. Merci. Bastien, oui, Bastien qui a une voix incroyable, une voix lyrique. Hein. Tu fais la chorale, il a chanté plein d'endroits, hein. Tu as une belle voix. Et là, on va laisser le pas. On n'est pas encore en direct, par contre, dans 20 minutes. Mais on se prépare ici. On va... Du coup, je mets l'instru. Oui, mais tu vois avec Jérémy, me parler. Là, il y a les retours de Siol et Jérémy à la radio. Vous nous manquez, les gars. Ils t'ont passé à moi dans le monde du travail. Vous aussi, vous nous manquez. Voilà, mais là, ils sont tous là. Et on a des nouveaux arrivants. Mathieu, bienvenue Mathieu, parce que Mathieu, il vient à la schizophrénie, il vient Fofanata, qui vient toujours le mercredi avec sa beauté et son sourire, qui va nous faire un solo de xylophone tout à l'heure. Et on a bon, Caroline qui est venue. Il y a messieurs, votre prénom, j'ai oublié. Et votre prénom? Pedro. Pedro. Désolé, j'ai un peu un Alzheimer, un Alzheimer juvénile. Et depuis tout petit, je me rappelle pas le prénom. Tout. Donc, voilà, non, c'est bon, ça arrive. Et votre prénom, c'est Natalia. Natalia. Natalia. Yamina. Yamina, vous? Catherine. Béatrice, Elisabeth, Tessa. Voilà, moi, on est tous métanoïaques et on est là, on commence, on s'échauffe pour le direct qui est à 17h. Voilà, allez-y. Et là, Siol qui met un... Là, c'est du reggae pour... Tu veux dire au micro, comme ça on... Oui, je vais passer une instrumentale de reggae pour Jérémy, qui va nous interpréter un freestyle ou bien une chanson qu'il a écrite. On va voir, il fait comment? Bah, j'aime bien ce que t'en penses. Ouais. Je sais pas, je pense que je l'ai lancé. Vas-y, vas-y, lance, c'est bon. Avancez le mot aux alentours. Avancez le mot aux alentours. Avancez le mot aux alentours. Avancez le mot aux alentours. Malheureusement qu'un ennemi et c'est le gouvernement. Heureusement j'ai des amis, le peuple aux commandes. T'aimerais bien que tout change, il faut y mettre un sens. On a tous une réalité à découvrir. Sans cesse des idées qui vont courir. Aujourd'hui j'ai besoin de souffler. Oh juste oui pour me booster. Je crois peut-être en l'humain, je crois peut-être en nous. Mais je crois plus en toi qui avance digne et debout. Po po po c'est le moment d'agir. Po po po avant de partir. Po po po c'est le moment d'agir. Po po po avant de partir. Chacun ses droits, la liberté de soi. De toi à toi, la terre est notre toit. Chacun ses droits, la liberté de soi. De toi à toi, la terre est notre toit. Avancez le mot aux alentours. Avancez le mot aux alentours. Avancez le mot aux alentours. Avancez le mot aux alentours. On est les métanoïas, on est prêts. Et là, Bastien qui reprend le micro, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais mettre bien expérimental pour voir. On va bien chanter le fado. Ouais. Un chant chrétien. Vous pouvez mettre une musique là. Qu'est-ce que tu décides? Surprise. Tu veux quoi comme musique, Bastien? Tu te laisses surprendre? Très bien, super. Merci, Bastien. Ah, on va en chanter une autre encore. Prends le micro. Ah oui, je prends le micro. Ah oui, Bastien, il est en forme. Toujours, mais c'est bien qu'échanger un peu de musique. Ok, on s'échauffe à 17h, c'est le direct Métanoïaque en direct à 17h. Et Caroline, elle va nous répéter après. Il est parti, Caroline? Elle nous a donné le numéro de l'auto, elle est partie. Oh. Pas grave. Ouais. Mathieu, prends le micro. Vous pouvez donner un micro, Pedro? Vous pouvez donner un micro à Mathieu, là? Oui. Un autre micro à Mathieu, un des deux, parce que vous en avez deux, là. Il y a un autre, là. J'ai quelque chose à dire. Oui, on va aller. Bastien, on a fait un programme. Mathieu, il va nous dire un truc, parce que c'est la première fois qu'il est à la radio. Vas-y, Mathieu. Non, je disais juste, ça m'intéressait peut-être que les numéros du loto, comme je joue à l'Euro Million chaque semaine. Oui, bon, c'est tout. Mais Caroline, elle nous a donné, on ne l'a pas noté. On est bête. On est totalement bête. Elle nous a donné le numéro qu'il fallait jouer. Et puis on et je voulais dire un truc pour Mathieu, c'est l'expert des jeux en ligne. Donc si vous avez. Ah oui. Si vous voulez gagner de l'argent, moi j'ai déjà gagné 10 dollars que j'ai converti en euros. T'as gagné 10 dollars, mais je Mathieu, suis fier. Qui sont totalement gratuits en plus. Ah oui, donc, d'accord. Allez voir sa chaîne YouTube, il a plein de plans. Ouais, Mathieu, on va faire Mathieu, Caroline, ça va être le commando jeu et gagner. Donc, vont vous envoyer avec 10 euros et vous allez revenir avec 1000. Faire ça. Ça serait bien, hein, comme ça on peut financer tout, les matériaux, tout le truc. Voilà. Donc là, on continue avec notre échange. On est à 10 minutes de direct, mais on s'échauffe. J'espère que les batteries, parce qu'on est qu'à batterie aujourd'hui, même l'ordinateur. Et voilà, Bastien, tu vas chanter quoi? C'est... Ouais. Oui, attends, et Pedro, il va faire un. Pedro. Allez-y, Pedro, vous écoute. Pedro, à vous. On était où, là? voulez parler quelque chose ? Donc, j'étais dernier pays où... Que vous étiez le chauffeur du président, et après ? Non, le dernier pays que j'étais, c'est Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Ah, c'est gentil. C'est là, j'étais tout zéro parce que j'étais avec ma mère. Oui. On est voir à Marabout. Moi, je ne courais pas. Le monsieur m'a dit... Oui. Attends, il y a un jour, tu viendras ici pour voir. Il m'a dit que c'est une fille et un garçon. Une fille et un fils de pute, excusez-moi. Oui. Qui était dans ma. Qui m'a fait du mal. J'ai compris. Je sais qui c'est. Excusez-moi d'être un peu. Oui, mais merci de se livrer à nous. Mais là, on est avec tous les métanoïaques qui vous soutiennent. Là, Bastien, il est là, notre principal soutien. Mais vas-y. Ne vous inquiétez pas, c'est bien, ça se passe comme ça à la radio et personne n'a honte, hein. Ok, c'est un peu comme le rituel de Jean là. C'est quoi votre nom de Jean ou de vedette? Quand vous, tout à l'heure, on m'a demandé mon nom, c'est Pedro. Pedro, c'est votre vrai nom? Parce qu'on a un chef de service qui s'appelle Pedro. C'est un nom d'un saint. Ah, d'accord. C'est un nom d'un saint. Et c'est donc votre nom un peu d'artiste ou votre nom de chanteur ou c'est votre vrai nom? C'est peut-être parce que je suis né le jour de Saint-Pierre, ouais. Que ma mère m'a donné ce mot-là. J'ai gagné au Romulus. J'ai rien secoué de personne. Vous avez bien raison. Je ne veux pas rester ici plus que toujours. Ça va se passer mal. Okay. J'ai trop de secrets. Mais c'est le plus proche là où vous entend pas bien. Là, un secret que je dis à personne. Personne ne va le savoir. Bon. Eh bien, vous le gardez, hein, le secret. Tout le monde a des secrets ici et c'est ça l'intérêt, c'est con. Vous avez dit que j'ai toi. Oui, Ernesto, bienvenue. Merci. Et merci d'avoir quand même pris le micro. Ouais. Merci, Pedro, de s'ouvrir à nous. C'est Mélissa. On est pas Mélissa, hein, Mélissa. Ça, c'est au cac. Ce qu'il dit, Pedro, c'est vrai, c'est qu'ici, le temps est long. Et souvent, on vient ici pour des périodes courtes, c'est bien. Mais moi, j'ai été ici pendant des périodes courtes et c'est un lieu où je me suis plus enfoncé. Donc, il faudrait entrevoir tout le temps la sortie. Et Pedro, il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui sont passés par votre parcours. Et tout le mal s'en va petit à petit. Il faut laisser du temps et essayer de ne pas faire trop d'hospitalisation trop longue. Merci. Voilà, on est avec vous en tout cas. Votre tristesse, elle nous touche, moi, elle me touche. Il ne faut pas rester là trop longtemps, quoi. Il ne faut pas rester là trop longtemps. Ouais, c'est parce que le temps est long. Le temps est long. Sincèrement, je suis arrivé en Europe à 61. 61. Si vous dites la vérité, mon mieux, j'ai seul ami blanc. C'est pas normal. Il est au Portugal. Je lui ai sauvé la vie. À qui vous avez appelé ? À votre mère ? L'ami, à votre ami, il s'appelait comment votre ami? Rio. Rio. Ringo. Rio comme. Rio comme le. Et il est où Rio maintenant? Le Portugal. Ah, elle est du Portugal, elle est de Lisbonne, c'est ça? Oui, Béatrice de Lisbonne. Vous pouvez parler en portugais si vous voulez. Il est où Rio? Au Portugal. Au Portugal. Il habite de l'autre côté de Almada. Et elle. La rivière qu'on traverse, oui. Il avait de ce côté-là. C'est là où ma première maison, c'était là-bas. Où c'est Almada? Almada, oui. D'accord. J'ai vu des choses. Bon, j'étais heureux. Heureux. Il y avait plein de gitans qui habitaient là-bas, mais je suis curieux. J'allais voir qu'est-ce que sont. Parce que les gitans sont sages. J'ai vu à Benfica. Un de mes meilleurs amis, c'était un gitan grand. C'est un grand club. Quand je dis que je joue avec Joseph, il est fou, tu vois. Joseph, malheureusement, il est mort. Il s'est battu pour moi, tu vois. Oui, bon, mais si, la... Diffado, hein. Tu veux, attends, il est parti notre leg, je vais mettre un autre truc. Attends, on va essayer. Il est parti, Loïc, dehors, hein, qui c'était notre DJ. Oui, il est parti. Est-ce que Fofana peut nous faire un peu de musique? Tu peux lui mettre, Mathieu, un micro pour le... Un solo de Fofana. Vous avez vu Fofana, on a ramené un autre. On l'a trouvé à la troquette, 3 euros. On a trouvé ça avec Béatrice vendredi. Et puis, oui. Comment il s'appelle, Martine. Hein, il sonne pas mal. Hein. Voilà. Merci. On est de Métanoïaque, de retour. On est plusieurs aujourd'hui, entre 10 et 15. Alors, on va essayer de chercher un peu de musique, mais pour l'instant, il faut que il est parti où, notre DJ, là, DJ Loïc. Mais on va mettre un peu de musique. Mais Bastien, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours musical d'abord? Où tu as étudié la musique? Un parcours musical, c'est que j'ai envie de progresser dans la vie. Hein. Oui. J'ai envie de progresser, j'ai envie d'avoir un projet musical parce que je veux réussir et devenir un véritable homme dans la vie. Hein. Un homme comblé dans la vie. Hein. Qu'est-ce qui vous manque pour être un homme comblé? Pour un homme être comblé, il faut avoir du bonheur. Faut être heureux, faut être onéreux les uns envers les autres, et je sais. Hein. Oui. Et qu'est-ce qu'ils pensent les autres sur être bon dans la vie? Dans la vie, il faut faire part du bonheur des uns envers les autres. Il faut être courtois, il faut s'adresser l'un vers l'autre. Il faut entre-agir. Tu voudrais qu'on te mette un morceau un peu style hindou? Non. Non. Qu'est-ce que vous mettez? Attends, je vois un truc. Attends, je vais te mettre un truc. Ti amo ti, amo, ti amo ti. Ti amo, ti amo, amo, ti amo, ti amo, ti amo, amo, ti amo, ti amo. Va pas être un doux. Va pas le mettre chez le centre. Merde. On sait pour les gens. Ils apprennent. Amo. Est-ce que quelqu'un a envie de parler quelque chose en attendant que... Ouais. Vous pouvez lui passer le micro, s'il vous plaît. Alors, docteur Héro, il me connaît très bien. Ah ouais. Et il vous plaît, le docteur Héro, comment il vous dit? Moyen, trou. J'aurais espéré mieux. Ah bon? Le docteur Héro, c'est le spécialiste des jeans. Voilà. Alors, je voulais parler des esprits des et tonic. Des jeans. Ah, j'ai un bouquin sur les ans, j'aurais dû vous le ramener. Je voulais parler de ça. Donc en fait... Nous, dans notre religion, la religion musulmane, les djinns existent. Non, en fait, c'est pas. On croit que c'est des démons, mais c'est pas des démons. En fait, les djinns, ils ont été créés par Dieu. Ouais. Et il y a des croyants et des non-croyants. En fait, on les voit pas. Ils sont invisibles. Donc, en fait, ça peut être des fantômes ou ça peut être des esprits. On peut dire ça. Mais ils existent et ils peuvent interagir avec l'être humain. Bon, il y a beaucoup d'ignorance là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais nous, c'est marqué dans notre religion. Moi, j'y crois, je suis passée par là, j'ai croisé un djinn pendant 2 ans. Il s'appelait comment? Il était athée, en fait. Il ne croyait pas en Dieu, c'était un athée, il s'appelait Olivier. Ah, il s'appelait Olivier, c'est ça? Voilà, il s'appelait Olivier. Alors, c'était plutôt un chétan parce qu'il ne croit pas en Dieu. Voilà. C'est un athée. C'est un athée. Il faut bien distinguer les djinns, les chétoines et les anges, parce que les anges, voilà, c'est encore voilà, une entité exactement, séparée. Exactement. Exactement. Donc, en fait, ce qu'on peut appeler de la folie, ça ne l'est pas. C'est tout simplement que les gens tombent malades parce qu'ils peuvent avoir croisé dans leur vie un djinn sans le savoir. Et donc, ça peut créer des maladies psychologiques, des mal-êtres, de la médiumnité. Ça peut créer tout ça. Donc nous, on y croit parce que c'est marqué dans notre livre saint. Et moi, je suis passée par là, donc j'y crois. Parce que j'ai vécu des choses phénoménales. Et d'ailleurs, Amina, tout à l'heure, j'aimerais bien faire une petite chronique toujours sur la psychiatrie et parler du bien fondé d'hospitaliser des gens. J'ai un témoignage d'une patiente qui a fait 3 grosses bouffées délirantes. Et en fait, elle disait qu'à l'hôpital, elle s'enfonçait et que ces bouffées délirantes, elles lui permettent d'être plus elle-même et d'être mieux en elle après. Elle n'était pas dangereuse pour elle-même ou pour les autres, mais du coup, en hospitalisation, on l'a fait passer pour une psychotique aiguë. Les traitements l'ont assommée. Elle a subi beaucoup de maltraitance dans un hôpital de Marseille. Et tout à l'heure, j'avais questionné le bien fondé de... Parfois, il y a des gens qui sont très mal dans leur tête, qui délirent. Ils sont chez eux, mais ils font de mal à personne, ni ils sont pas dangereux pour eux-mêmes non plus. Et je voulais questionner le bien fondé d'hospitaliser ces personnes-là, qui c'est plutôt comme Apsicat disait quand j'étais ado, que c'était des chutes pour mieux sauter, c'est-à-dire elle appelait ça des crises de croissance. Ah, elle avait voilà. Des crises de croissance. Et souvent, voilà. Et souvent, les crises de croissance permettent à mieux être après. Donc, hospitaliser tout le monde en intra dans des services aigus, je pense pas que ça soit la bonne solution quand les patients, ça les permet d'augmenter leur qualité de vie et de reculer pour mieux sauter, quoi. Voilà, ouais. Donc on n'est pas des fous, hein. Non. C'est la vie qui est. Pareil pour les djinns. Pareil pour les djinns, il y a des psychiatres qui nous qualifient de psychotiques parce qu'il y a des patients qui croient en les djinns. Mais il faut savoir qu'aussi, la religion, ça se respecte et que parfois, ça aide les patients aussi à aller mieux. Toi, tu m'as dit que tu étais mieux après avoir compris et lutté contre ça. En fait, c'est bien. Les médicaments ne sont pas la solution, en fait. En fait, c'est bien de comprendre que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Nous ne sommes pas seuls sur Terre. Il y a les anges, il y a les êtres humains et les djinns. Seulement les djinns, comme disait monsieur, on peut croire des fois que c'est des satans. En fait, non. Ils ont été créés par Dieu et c'est seulement qu'il y a des croyants chez eux et des non-croyants. Donc en fait la vie, elle est comme ça. Il faut comprendre la vie, il faut l'accepter dans la douleur ou dans les bonheurs. Jérémy, micro. D'après la religion, le diable aussi, il a été créé par Dieu. Lucifer n'est pas le diable, hein. Lucifer, c'est un ange déchu. Il a été maudit. Ouais, il a été créé par la queue. Pareil. Il a été maudit pour prendre les athées, en fait, et les mécréants. Mais parfois, il y a des religieux croyants qui sont plus pourris que les athées. Je dis pas le contraire. Okay. En fait, tout se respecte. Et en tant que psychiatre, là, vous avez un expert qui a travaillé à Mayotte, Dr Hérault, qui était expert psychiatre là-bas. Sans hôpital psychiatrique. Voilà, et avec il a réussi à prendre les patients dans leur globalité sans, en fait, en respectant leur délire, en respectant leurs croyances. Un jour, Dr Hérault, il me disait qu'il a accueilli un psychopathe à Jean Verdier. Tous les personnels étaient là pour l'attacher, le sangler, le contentionner. Dr Hérault, il arrive par son approche, comme moi je peux faire avec des gens qui sont très... dans un cas de non-soignants qui sont très délirants et très violents, parfois de parler et de laisser la violence s'exprimer sans trop, en fait, ça permet d'ouvrir le dialogue et de considérer les gens. Le docteur Hérault, il a cette approche-là, en fait. Le docteur Serra aussi, Martin aussi. Le docteur Serra, un peu moins, docteur Serra, je trouve. Si, si. Le docteur Serra, il est plus institutionnel et plus psychose. On a l'habitude depuis tant d'années de savoir-faire, les soignants, pareil. En fait, il faut être ouvert à la folie et considérer que la folie, c'est une porte d'ouverture pour comprendre. Que les djinns, c'est pas... Les aussi, ils ont l'habitude. Est-ce que les djinns, c'est pas non plus ce qu'on parlait avant, les daimons, ou est-ce que les hallucinations, ce n'est pas aussi un contact avec certains esprits qui sont... D'ailleurs, on va faire Radio Paranormal avec les gens de Pinot et Radio Tisto et tout le monde cet été à Villevrard. Au pavillon, il y avait Édouard Munch. Le cimetière du Père Lassès, c'est le cimetière le plus hanté de France. Il m'a dit ça, moi j'y crois pas. Moi j'habite à côté, moi je faisais des chasses au trésor avec mes enfants dans le cimetière du Père Lachaise. Ouais. C'était hanté par certaines personnes. Oui, bah nous on faisait des chasses au trésor au Père Lachaise, c'est très bien, c'est les plus beaux souvenirs des copains de mon fils. Le problème c'est que quand vous cachez les petits messages, il y a tous les gens qui sont sur la tombe de Jim Morrison qui font la chasse au trésor avant les gosses. Ça c'est un peu chiant. Mais quant aux djinns, j'en ai pas trop vu, mais il y a beaucoup de Chinois qui mettent des petites lumières à certains moments, au moment des esprits et tout ça. Voilà. À Mayotte, les djinns, c'est l'île aux djinns, et c'est vrai que tout le monde a des djinns. Vous arrivez à Mayotte, là, tout le monde va vous dire il n'y a pas de djinns, etc., c'est des conneries, tout ça. Et puis, soudain, vous recroisez tous les gens avec qui vous travaillez, qui sont dans les rituels de djinns, et pourtant, ils sont musulmans, hein, croyants, ils sont aussi dans une république laïque, donc ils respectent la laïcité, et puis, ils ont les djinns, donc ils ont les trois, l'animisme, la religion musulmane et la laïcité. Je trouve qu'en tant que psychiatre d'expérience, c'est important de laisser place à la folie et aux symptômes. C'est-à-dire que les gens, par exemple, si on prend le cas de votre patient, là, vous avez appelé Ben Laden. Je me permets de le dire, parce que c'est écrit sur les... Oui, c'est dans l'article Mayotte, Terre d'Asile, sans exil. Et Dr Hérault, il n'a jamais pris pour un... Il a pris en compte les symptômes, il a parlé avec lui. Mais j'avais pas d'hôpital psychiatrique, donc quand t'as pas d'hôpital psychiatrique, tu réfléchis. Mais je trouve qu'au pays, vous prenez un interne, faisant fonction interne d'Isabelle, vous avez dû le connaître, Dr Kouakou. Il était très ouvert et moi, il me parlait comme un être humain sans dire que j'étais fou, sans parler de symptômes. Et il me parlait à bâton rompu. Il n'y avait pas de dialogue de psychiatre, de psychanalyse ou autre. Et souvent, ça marchait mieux qu'un psychiatre que j'ai eu comme avant, j'étais docteur Saada au G14, qui parlait que de symptômes. Et souvent, de laisser place à la folie et de pas parler de symptômes et de pas parler de maladies, ça laisse plus place aux soins, en fait. Alors hier, on parlait beaucoup pendant le cours où je vous avais invité, donc Béatrice, elle est venue. Et c'est vrai que tous les médecins, donc là, il y avait quand même 80% de médecins, c'est ça en gros, hein, médecins, infirmiers. Et donc, ils parlaient tout, et une pharmacienne, ils parlaient du stress traumatique. Là maintenant, c'est quand même le gros truc, le stress et traumatique. Moi, je vous dis, c'est la base de toutes les pathologies mentales. Je pense, j'en suis sûr et certain. C'est pour ça que j'ai beaucoup de recherches bénévoles là-dessus et je m'accorde. À Montreuil, il y a l'air d'avoir un centre et tout ça. Il y a quelqu'un qui s'est spécialisé. C'est vrai que c'est une pratique particulière, le stress traumatique. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là, on parlait de l'EMDR. Il y avait les partisans, les pas partisans. Il y a on ceux est démunis qui en avaient de fait, ça en France. Trouvaient que c'était bien. Bon, il y a ceux qui disaient les benzos, faut pas trop en prendre. Non, parce que vrai, ça augmente la moi, je vois qu'avec le Valium, je fais des crises de stress post-traumatique la nuit et c'est des flashbacks qui sont intensifiés par le Valium. C'est des cauchemars où je retrace. Ah, bah tous ça, les je vous le dis, hein, c'est vous qui prenez le Valium. Je vous l'ai déjà dit. Le Largactil, ça empêche à lâcher de voir un monsieur qui a eu un stress traumatique parce qu'on l'a dépouillé de tous ses biens. C'est une Cambodgienne qui l'a dépouillé de tous ses biens et du coup, il a été arrêté à la douane, machin et tout. Il a eu un stress traumatique qui ça revient toutes les nuits. Je lui ai donné un peu de Largactil. Et je trouve que le Largactil, ça s'est. Il a dit qu'il n'allait pas le prendre, mais ça fait rien. Je lui ai prescrit quand même pour le procès après, parce qu'il faut qu'il récupère tous ses biens. Et voilà, c'était encore un stress traumatique. Donc, voilà, c'est ça, c'est le traumatisme de chacun. Voilà. Micro. Et tout à l'heure, quand le monsieur il a commencé à pleurer, ça me rappelait un rituel donc, de djinn. Je pense que Pedro. Monsieur Pedro, oui, ça me rappelait. Il a dû vivre un traumatisme, sûrement. Oui, alors moi, ce que je voyais, c'était j'étais allé au Rhinci. Bon, maintenant, je ne vais plus au rituel de transe, mais il y en a plein aussi en France. Hein, tous les Comoriens font des rituels de transe. Peut-être un peu moins maintenant, parce que ça s'islamise avec le côté. Mais quand même, comme vous dites, ça, les djinns sont toujours présents. Hein, dans la religion musulmane, ils sont quand même présents, mais ils essayent aussi de les faire disparaître, un peu comme la religion catholique. On s'en éloigne. Voilà, mais à Mayotte, ils s'en foutaient. Hein. Ils avaient tous leurs djinns. On essaie de s'en éloigner le plus possible. Voilà, mais à Mayotte, ils revenaient. Et donc là, au Rhinci, l'autre jour, on était là comme ça, avec donc des rituels de transe, où c'est au milieu de la nuit, etc. Et tout le monde se présente sous son nom de djinn. Donc moi, je dis pas mon faux nom, mais un nom d'artiste, Mélichard, ça me permet de pas être le docteur Héro. Et là, il y a une dame après qui était là avec ses deux gosses, elle a commencé à pleurer parce qu'elle est commencé à rentrer dans un traumatisme. Elle a commencé à pleurer. Les voisins ont pris les enfants, les emmenaient en bas parce que les enfants, quand ils voient ça, bon, ils ont un peu l'habitude. Mais enfin, des fois, ça doit leur faire bizarre parce que la personne se transforme. Là, elle s'est transformée en une espèce de mélancolie très profonde. Et pendant presque trois quarts d'heure, elle a parlé de tout et de rien, mais d'une tristesse absolue. Elle est allée au fond. Puis après, elle est remontée. Voilà. Quant à l'hôpital psychiatrique, je vous dis, à Mayotte, on n'avait pas l'hôpital psychiatrique. Donc, c'est vrai, quand je suis arrivé, quand même, il y avait au moins 70 enfants attachés aux arbres et tout. Parce que quand les gens ont des troubles du comportement, qu'est-ce qu'on en fait aussi? Donc, soit ils les mettent en prison, dans les pays, en Afrique et tout, il n'y a pas d'hôpital psy. Voilà. Il y a une autre approche dans les pays. Et il y a une tolérance. Parce qu'il y a une tolérance. Par il y a une tolérance et il y a l'entourage quand même. Voilà. Aussi. Sauf qu'au bout d'un moment, quand ils ont fait les rituels, que ça ne guérit pas. Il y a aussi les meurtres, c'est-à-dire que les gens, ils tuent, au bout d'un moment, ils tuent les patients, il faut le savoir, et donc, ça se dit pas, mais au bout de 10 ans de rituels, de traitements qui marchent pas, on finit par les mettre dans un trou, il y a la pluie qui arrive. Oui, parfois on les attache, il faut savoir. Voilà, il faut savoir qu'il y a une maltraitance aussi. Mais en France, la maltraitance, elle est parmi la population, c'est-à-dire que dès qu'on parle de psychiatrie, même il y avait un infirmier avec qui j'avais des entretiens à Paris, qui me disait que dès qu'il disait qu'il était infirmier en psychiatrie, les gens étaient ils étaient rebutés par le métier. parce que ça fait peur. Et quand on dit qu'on est patient et qu'on a vécu la psychiatrie, souvent les gens aussi ont tendance à nous mettre à distance. Bah on se dit, il va rechuter, il va redevenir fou. Alors c'est même abstrait. Moi, je trouve que c'est une peur qui est abstraite et qui est parce que c'est pas, c'est, on me dit pas ça. C'est-à-dire quand je parle de la psychiatrie, c'est tout de suite on entend psychiatrie, c'est la folie qui prend le dessus. Alors oui, que la psychiatrie, là, je trouve que un truc de logement, ouais. Il cherche un colocataire, je voulais vous le donner. Ouais. Je me dis, bah oui, mais enfin, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va pas y avoir un jour où il va... Je vais vous le donner quand même, vous débrouillerez. Et voilà, après on peut se dire, est-ce que ça va bien se passer? Moi, je crois que ça va bien se passer avec vous, mais je ne donnerai pas peut-être à d'autres personnes. Puis après, vous débrouillez de manière naturelle et normale, quoi. Ouais. Parce que des fois, changer d'endroit, là, vous êtes quand ça même chez votre maman, donc peut-être que c'est le fait d'être chez ses parents, c'est pas rigolo, hein, non plus. Donc moi, je suis bien chez ma mère, mais c'est le quartier qui pose problème. C'est le quartier. Enfin, il faut quitter ses parents aussi, des fois. Voilà, là, c'est sur l'île Saint-Denis. Je vais aller vous chercher l'adresse. D'accord, comme ça. Ok, merci. Oh. Oui, allez-y, Pedro, on s'écoute. Micro plus proche de la bouche, si vous pouvez vous entendre. Ouais, okay. Agir sur ce que dit Pedro, je trouve qu'il y a un réel problème en France, c'est-à-dire qu'on accueille des gens et on leur donne pas la chance de réussir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont livrés à eux-mêmes et à partir du moment où on les accueille sur le territoire, où on les laisse rentrer de façon illégale ou pas, ils sont rentrés. Si on les laisse rentrer, c'est que l'État veut les laisser rentrer, c'est qu'il y a une faille. Et quand je vois, je vais à Jaurès, tous les gens qui fument du crack et qui se droguent et qui sont livrés à eux-mêmes, ou par exemple pour le cas de Fatoumata qui m'a dit qu'elle était partie à la mission locale et qu'on lui a rien proposé pour apprendre le français, alors que c'est une jeune fille qui est intelligente, qui est en France depuis des mois et des mois, je trouve qu'il y a un réel problème en France. C'est-à-dire que des gens qui sont là depuis des années, ils savent même pas qu'il y a des cours du soir. Pourtant, il y a plein de choses qui sont faites pour apprendre le français, même dans les mairies. À ces gens-là, on leur donne rien, on leur dit rien, et ils sont sur le territoire français, livrés à eux-mêmes. Moi, je trouve qu'il y a un problème là. Ernesto, micro. Vous parlez des problèmes, tout le monde a ses problèmes. Je suis arrivé en France en 79. Avant, j'étais en Espagne. J'étais un jour très malheureux. Après, j'ai abandonné le foot. Le titre d'indépendance de Cap-Vert, plus jamais j'ai mis les pieds au Stade de Luz, Stade de Benfica. Parce que pourtant, on est libre. Mais inconscient. Et là, c'est là que j'ai commencé à connaître la vie. J'étais au bout de... Parce que ma mère m'a laissé avec 15 ans. J'étais au bout du trou. Et une femme qui me dit, comme regarde. Je fais, qu'est-ce que c'est cette fille-là? Je l'avais déjà vue. Je l'ai fait comme ça. Elle est venue vers moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Elle dit, il faut que tu sois à moi. Je dis, putain, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, on va... L'indépendance du Cap-Vert, c'est quand? C'est juin de... 1973. Ah bon? Ou 10. 73, je crois que t'es 4 juillet. C'est 5 juillet. 5 juin, je sais pas quel... C'est bon verdier, Prévost? Oui. Moi aussi. Il faut rappeler que c'est portugais quand même. 5 juin de... Non, je crois qu'il était brésilien. C'est Béatrice, elle le sait même pas. Portugal. Ouais, c'est Béatrice, c'était portugais? Quoi, Cap-Vert? Oui, c'est vrai. Il était portugais. Après, on avait une guerre, la guerre coloniale, où beaucoup de Portugais étaient là. Et après, ils ont retourné à Portugal un petit peu sans racine, sans truc matériel. Et bah oui, et après, tout le monde a eu son indépendance. Angola, Cap-Vert, Mozambique. Pour vous dire, le plus... Voilà le cas ici, c'est les Portugais, ça peut mettre des cons. J'ai grandi là-bas, là. Je sais ce que j'ai dit. Ils travaillent tous dans le bâtiment, mais les autres qui sont en dessous sont tous ses fils. Vous savez de quoi je parle. J'aime pas être. Ça veut dire quoi, bon, bon et... Jérémy, prends un micro, s'il te plaît. Là, il y a un micro. Béatrice, elle est portugaise, alors. Oui, mais là... Qu'est-ce qu'elle en pense? Ça veut dire quoi, Bora? B-O-R-A? Vous connaissez pas? C'est une île, Bora Bora. Non, non, c'est un mot, ça veut dire on y va. Chez les Brésiliens, ça veut dire on y va. Ah, Bora. Ouais. B-O-R-A. Comment vous le prononcez? C'est Bora. Bora. Bora là. Ah, c'est difficile à renoncer. Bora. Bora. Nice, nice, nice, nice. Et Saudade, ça veut dire quoi? Comment? Saudade. Saudade, il n'y a pas de traduction. La tristesse. La mélancolie. Tristesse, mélancolie. Micro, micro, s'il vous plaît, monsieur Pedro. Il a un micro dans la main, là. Micro, Pedro. Micro. J'aime le foot. Et soldat, j'avais très. Quand je suis parti en vacances, mon président m'a donné l'argent, non, un billet. J'avais un peu de l'argent de côté et j'habitais chez mon entraîneur. La première fois que je suis parti, elle m'a donné de l'argent. Je vous jure, j'étais tellement heureux quand je suis au café. En revenant, j'ai oublié de le payer. Parce que. Adios, que ça se passe à la tête, tu sais. Et un jour, elle m'a vu, tu le vois le flic, j'ai payé où je suis devé. Après, ma vie a commencé à changer, à changer, à changer. Quand une femme me dit, tu es sûr que tu vas être à moi? Pourquoi elle me dit ça? Je ferme les yeux, je fais ça, je fais qu'est-ce qu'elle fait? Je t'avais déjà vu. Mais elle m'a regardé, regardé. Et je l'ai appelé comme ça. Viens. Elle m'a fait un gosse, malheureusement c'était une alcoolique. Je suis parti parce que si on est resté, aujourd'hui je ne sais pas où je serai, Vous comprenez? Es camino para Santo Tomé. Dehors, c'est chez moi qui arrive à Santo Tomé. Oui. Et j'ai tout fait dans la vie parce que j'ai quitté le foot à 15 ans. C'est ma mère qui m'a dit on va partir en France. C'est toi qui décides. Tu viens ou tu restes? J'ai dit ouais, je reste. Après, j'étais pas heureux. Bon, on va faire une pause musicale. Ouais. On va vous désenvoûter là. On va vous désenvoûter. Quelqu'un, on a besoin de désenvoûteur là tout de suite. Micro. Mais il peut pas se transformer en. Micro, Jérémy, prends la micro. En fait, le djinn peut interagir avec l'être humain, c'est-à-dire qu'il le possède, il rentre dans le corps. L'aspect immatériel. L'aspect immatériel, mais est-ce qu'il peut posséder, se matérialiser? C'est-à-dire? Là, on parle de possession, on ne le voit pas, c'est spirituel. On ne le voit pas. Mais l'être humain, après, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais c'est esprit et corps, et au niveau du corps, est-ce qu'il peut agir sur le corps? Oui, il peut agir, exactement. Moi, j'ai vécu ça, il peut agir. Yamina, mais j'avais. Il y a un autre micro là. J'avais juste un exercice à proposer à Pedro, parce que hier j'étais voir ma psychiatre à Paris qui est spécialisée en psychotrauma et en troubles du sommeil, et elle me disait qu'on est dans des moments de tristesse comme ça et de stress post-traumatique, docteur, vous allez me dire si c'est bien comme exercice, elle me disait de faire un exercice deux fois par jour, c'est-à-dire de se poser n'importe où on est, mettre un réveil et d'observer ce qui est autour de nous. Déjà on fait un premier exercice, c'est d'observer cinq choses. Vite, on identifie cinq choses. Qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, là, il y a un xylophone, il y a un livre, il y a un micro, il y a des crayons de couleur et il y a un verre. Et on essaye de décrire le verre à quelqu'un qui ne voit pas, comment il est, où il est. Après, on fait cinq choses qu'on entend. Là, il y a des bruits, il y a les oiseaux, il y a les gens qui parlent à la radio, etc. Et après, on décrit comment sont les bruits. Après, on fait cinq choses qu'on sent. On essaye d'identifier cinq choses qu'on sent. Là, il y a du désordre de café, de cigarettes, je sais pas. Et après, on se ressent sur le moment. Et on fait le point sur ce qu'on a vu. Et on fait le bilan. pourquoi je suis en insécurité, pourquoi je suis triste là maintenant. J'ai observé des choses, il n'y a rien qui est grave, je ne suis pas dans mon stress post-traumatique, c'est passé. Et on souffle, on respire, on fait ça deux fois par jour. Voilà. Pourquoi il vient? Vous avez compris? Pourquoi un homme devient homosexuel? Oui. Peut-être parce qu'il l'est. J'ai eu deux dans ma famille. Ma soeur, elle ne comprenait rien. Je dis, laisse-le tranquille. Et le deuxième, il m'appelait. Moi aussi, j'ai compris. Ça vient de famille. Leur père, c'était de mon... Je l'aime bien. C'était un pirate. Un pirate? Un pirate, pirate soi-disant. Il vivait avec tout le monde, la bonne relation. Et je suis arrivé à Canfernes en vacances. Ils m'ont emmené tout le temps à Sainte-Boire. J'étais tout jeune. Ils ne me respectaient pas. J'ai dit, après, j'ai dit, ce mec-là, il a ma soeur, c'est une femme extraordinaire. Ils avaient besoin d'argent au moment. Ils allaient prendre leur maison qu'ils ont fait. J'étais là, elle ne m'a rien dit. Micro, micro, sinon on n'entend rien. Il fallait qu'elle me dise son problème. J'étais à la banque à l'époque. J'avais un grand problème à donner de l'argent. Mais si les gens en dehors m'ont dit, ah, ta soeur est en fille, prendre la maison. Elle est trop bête. Excusez-moi, c'est ma grande soeur, mais elle est bête. La manie des Brésiliens, des... sa religion, moi je suis chrétien. Bon, bon, on va écouter un petit morceau, une dose de bonheur pour passer à notre deuxième programme, la félicité comme remède contre les djinns. Félicité, et tenersi per mano, andare lontano, la félicité. Ça a changé tout seul, c'est pas grave. Codona, Nana Vasconcelos, Don Cherry, Colin Walcott, Metanoia. Quand j'étais en Afrique, ils ont dit que moi j'avais djinn, mais j'avais pas cru, non? Je crois pas à ça. Là. Ils ont dit que j'ai djinn. Là, moi, j'ai pas cru. Djinn, ça fait djinn. C'est là. Djinn tonique. C'est bien, c'est bien. C'est la distance de ça. Oui, moi, je crois. J'ai pas cru, non? Oui, c'est ça. Ils me donnent les médicaments pour ça, non? En fait, moi, j'y crois, mais je m'éloigne de ça. C'est-à-dire que je fais comme si ça n'existait pas, mais je sais que ça existe. Ah d'accord. Moi aussi, j'essaie. En fait, dans la vie, on passe par des épreuves et on dit parfois il y a un mal pour un bien. On passe par des épreuves, mais il y a toujours le bien au bout du tunnel. Il faut être à la quête de ce bien-là et se sortir de ses problèmes, aller vers le haut avec chacun sa thérapie. Il y a plusieurs thérapies. Chacun doit chercher la thérapie qu'il lui faut pour justement prendre les choses de la vie comme un mal qui va vers un bien. C'est parce que c'est une épreuve pour aller de l'avant. Voilà. Oui, c'est ça. Là ? Là ? Moi, j'ai fini, non ? C'est bon. Tu peux faire un solo de... Un solo de xylophone ? Pour Fatouma. J'ai une question. Oui, Fatouma. Qui t'a dit que tu avais un djinn? C'est un psychiatre qui t'a dit ça? Micro, micro, Fatoumata. Mes parents, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère. Non. Même si j'étais malade, j'avais dit c'est peut-être c'est ça, non? Parce que j'étais très malade. Parce que la maladie mentale peut avoir lieu sans djinn aussi. Ça... Il n'y a pas une explication, forcément. Oui, mais quand tu prends la psychiatrie d'un point de vue occidental, on n'a pas cette approche-là. Ça veut dire que si la personne croit en l'islam et au djinn, là, on va essayer de la prendre en charge avec cette modalité-là de symptômes. Mais Fatoumata, il dit qu'elle n'a pas d'eux, elle n'y croit pas. Et donc, du coup, moi, je la trouve bien. Ses parents y croient, mais ça ne veut pas dire qu'elle y croit. Oui. Quand j'étais chez moi, un jour, j'avais tombé, non ? Je me suis dit, peut-être, c'est ça. Ouais. Fatoumata, c'est la jeune fille la plus positive et tout le temps d'une humeur stable que j'ai jamais vue. Et tout le temps autant joyeuse, autant Est-ce que tu peux nous donner un peu de ton djinn, s'il te plaît, pour pouvoir... Non, non, j'ai pas le djinn. Alors, ça peut être très éprouvant, ça fait très peur. Quand on vit des choses comme ça, c'est très traumatique. Moi, j'ai été hospitalisée, on m'a attachée parce que je voulais sortir de l'hôpital. Et on m'a attachée, ça a été très traumatisant pour moi. Mais il faut aller de l'avant, il faut voir vraiment la difficulté comme une épreuve sur Terre, parce qu'on n'est pas éternel. On va tous mourir un jour, on ne connaît pas notre heure. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, mais, oui Elisabeth, un micro, prêtez le micro là, oui. Ça fait mal la tête. Alors tout à l'heure, je disais que j'avais été au Sénégal, et je me rappelle d'une excursion, comme vous parlez des djinns. On a fait une excursion dans le désert et nous sommes allés jusqu'à l'arrivée du Paris-Dakar d'origine. Voilà. Et je me rappelle, en plein désert, on voit au loin un corps blanc, la blouse blanche, vraiment. Mais on a su que c'était une femme, toute blanche, mais en plein désert. Donc, on était avec une conférencière, on lui dit, un guide, on lui dit, mais que... J'étais en vacances 15 jours. Et donc, au cours de cette excursion, on voit cette masse blanche, on lui dit, mais en plus, c'est moi qui l'interpelle, je lui dis, mais c'est quoi ? Parce que c'est que du jaune, que du sable, et puis quelques espèces de baobabs, voilà. Et elle nous répond, bonne question, c'est une mauvaise femme. Voilà. Qui a été, comme on dirait chez les cartésiens, les Français, reniée par sa famille parce qu'elle aurait fait quelque chose de mal dans... Ils disent pas tribu, là, comment ils disent, enfin, dans la famille. Mais la famille a grandi. Hein. Et elle nous dit... Chez nous, on parle de... Alors, je ne me rappelle plus du mot, mais c'était djinn. Voilà, c'était ça. Voilà. Alors là, elle nous disait, chez vous, ce serait une femme reniée. Parce qu'elle elle a fait des mauvaises choses dans la famille, ou des mauvaises choses, enfin, elle a tué ou je ne sais pas quoi. Donc, on l'a mise dans le désert. Oui, alors... C'est la punition. Les phénomènes, c'est ce qu'on appelle un phénomène paranormal. Donc vous avez été victime d'un phénomène paranormal. Donc c'est-à-dire que vous avez bien vu ce que vous avez vu. On était quand même une trentaine à le voir. Voilà, vous étiez une trentaine. Enfin, vous étiez une trentaine. Voilà, vous étiez une trentaine à le voir. Ouais, ouais. Donc il y a des manifestations sur Terre. Il y a différentes manifestations. Ils peuvent se manifester de différentes manières. Oui, ça c'est vrai. Vous avez aimé, donc si je comprends bien. Pour vous, ce serait une hallucination ? Non, un djinn. Ah, d'accord. Ouais, pour moi, ce serait éventuellement une manifestation du djinn. Moi, oui. Je suis très cartésien et je crois essentiellement en la science et en les explications ancrées au réel. Ça peut être une femme qui marchait seule et qui a été mise de côté par sa famille. Moi, je n'ai pas cherché plus loin, en fait. Voilà, c'est ça. Après, dans les croyances religieuses et les cultures différentes, on a des sons de cloche différents et ça se respecte. Oui, c'est pour ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle nous a donné deux versions, en fait. La version occidentale, cartésienne, et la version musulmane des djinns. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Tout à l'heure. Oui. C'est ça. Bah, on peut parler de médiumnité, on peut parler d'esprit, on peut parler de fantômes. Je veux dire, il y a des gens qui exercent là, dans des métiers dans ce secteur-là. On ne va pas dire qu'ils sont fous. Et ils parlent à des esprits, il y a des marabouts aussi. Il y a vraiment... chez nous, la sorcellerie existe depuis le temps du prophète. Il faut savoir que toutes ces choses-là existent. Ensuite, chacun croit ou ne croit pas, on va dire. Martin, faire un peu de chanson musicale, Pedro, et après Ernesto. Il faut un micro. Chino, tu peux tenir un micro à côté Chino, de Pedro. Chino qui, où? Radio Paranormal, on parle de Jean, des spectres, enfin Métanoïa, mais on va faire Radio Paranormal avec les gens de Pinode, Radio Tisto et à Villevrard cet été. Hein, vous êtes invités, on va faire 24 heures de radio. Il y aura l'apparition d'Antonin Artaud, l'apparition des Armuches, tous les gens qui ont été Camille Claudel, tous les fantômes de Villevrard vont être convoqués par les ondes de radio. Voilà. Donc, est-ce que je propose qu'on écoute un peu de la musique par... Et Jérémy, est-ce que tu veux nous faire un Siol, tu veux te montrer un peu ta musique? Jérémy, vas-y, toi d'abord et après Siol. Voilà, on va passer un peu de la musique et puis on continue de les sujets. Aujourd'hui, on va appeler comme ça l'émission, les jeans. On est en direct. Depuis une demi-heure. Voilà. C'est pas l'écriture automatique, ça? Micro, s'il vous plaît. L'écriture automatique, en général, c'est les médiums qui exercent ça. J'ai entendu parler de l'écriture automatique. Et là, on a monsieur qui s'est mis à écrire. Pouvez-vous nous lire ce que vous avez écrit? Inspiré, je dirais. Il est inspiré. Non, après, j'arrive. Mais ça m'intéresse, continue. C'est dire, moi, je suis un médium. C'est quoi un médium déjà? Un médium, c'est une personne qui parle aux esprits. Ah bon? Je ne savais pas que j'avais des tels. Ou un médium, ça peut être quelqu'un comme moi qui a déjà eu des flashs. En fait, parfois, j'allais à Gare du Nord en transport et je me disais, il faut absolument que je descende à Gare du Nord parce qu'il va se passer quelque chose. Et ça m'est arrivé 3 fois et j'avais des témoins, dont mon ex-copine qui était là avec moi un jour. Et elles me disent, Quentin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois là? Et du coup, il y a eu des... Il y a eu des événements qui ont été retracés dans l'actualité et que j'ai su prédire. C'est-à-dire que je descends à Gare du Nord et je vois des flics de partout, des pompiers. Et il y avait une personne qui avait essayé de donner un coup de couteau à un militaire. Et du coup, je l'avais su venir. Et la première fois, c'était, je descendais à Gare du Nord, pareil, ma copine elle voit regarder partout comme ça dans les escalators. Et je lui dis, il va se passer quelque chose. Et on sort de la gare et on trouve une bande de jeunes qui est coursée par la police, dont un qui se fait renverser par une voiture. Et après, c'était une émeute, tout le monde, les flics ont gazé tout le monde, et je l'ai senti venir, et ça, c'est des trucs bizarres que je ressens. Donc, médium, c'est pas forcément les esprits, mais c'est anticiper quelque chose, voilà. Ça peut être des flashs, comme il a dit, ça peut être parler à des esprits, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des rêves aussi. Il y a la signification des rêves, on en parle dans certains livres. Il y a beaucoup de choses, dont même moi, j'ignore. Micro, s'il vous plaît. Allan Kardec qui est au Père Lachaise. C'était un des plus grands médiums. Ouais, j'ai entendu Allan Kardec. C'est pas les mêmes. Allan Kardec. Ouais, Kardec. Ouais, je vois, c'est chez. Oui, non, mais il fait. Kardec monte tout le monde, ça perd la chaise. Ernesto, tu veux nous chanter un truc? Tu as plus rien préparé? Mathieu, vas-y. On a parlé des djinns, tout ça. On n'a pas parlé aussi des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Ça s'appelle les EMI. Et il y a de nombreux témoignages qui existent sur YouTube. Vous pouvez voir sur Internet, c'est EMI. EMI. Bah, c'est des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Et ensuite, ils ont vu, par exemple, des choses comme Jésus. C'est ce genre de choses, quoi. Alors moi, je me rappelle, c'est un voyage en Guadeloupe. J'étais dans une famille typique, voilà, chez l'habitant. Et à un moment, on était plus plusieurs sur le balcon, etc. Puis il y a une personne qui arrive en courant, qui passe devant la maison et qui dit « Rentrez tous, rentrez tous, rentrez tous. » Il est là, il est là. Et c'était... alors, tu dis Zambie ? Les EMI. Les EMI ? EMI. Ah, c'est pas l'expérience... De mort imminente. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ah non, alors j'étais partie, moi, avec Zombie... Non, non. Et nous, c'était un non, mort non, oui, je me suis mal exprimé. Qui était et qui avait une drôle de personne. Enfin, bon, moi, je l'ai vu en fait. Je me suis pas planqué, mais j'étais quand même dans le coin un peu. Alors, en fait, c'est parce que c'est en Guadeloupe, tu as voilà des gens. Ils les appellent des morts vivants, ils les appellent, ils les appellent zombies, quoi. Voilà. Mais ça ressemblait pour moi à une personne plutôt hagarde, clochard. Voilà. Ça c'est, on en revient à mon système qui est cartésien. Voilà. Des gens qui sont marginaux. Mais comme tout à l'heure, je disais, je suis allée en Ouzbékistan, au Sénégal, on est sur une autre planète, tout est différent. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et je trouve qu'on a des psychiatres occidentaux qui on raconte des histoires parfois quand on est d'une autre culture et qui ne sont pas à même de les entendre et de les comprendre. Pour eux, c'est du délire. Et c'est là que la psychiatrie échoue, je trouve. Alors, en Guadeloupe, fallait surtout qu'on reste caché. Hein, ah oui. Parce que comme eux, ils y croient, comment on dit, mordicus. Voilà, ils nous mettaient la pression, ils nous foutaient les jetons par rapport à cet homme. C'est drôle, hein. Alors, pour eux, c'était un zombie, ce qu'ils appellent en fait zombie de petits points mort-vivant. Ah oui, pour eux, c'est ça. Que moi, avec mon esprit cartésienne voilà, c'était plutôt quelqu'un clochardisé, hagard. Marginalisé. Voilà, qui parle pas du tout, qui traverse la rue. Sans regarder s'il y a voiture ou quoi que ce soit, voilà. Bon, allez-y. Faut parler un peu pour le micro. Oui. C'est un peuple spécial. Il y a pas de l'eau. Ça fait plus de 40 ans que j'en pense. On vous écoute pas. Mais... Toutes mes potes antillais sont de Guadeloupe. Les Martiniquais, ils ont la manie de faire. Comme c'est leur mère là, et Arnaud qui disent Joséphine. Ils sont trop fiers de Joséphine, je ne sais pas comment ça s'appelle, à Martinique. Comment ? Alors, excusez-moi, j'ai fait les deux. J'ai vécu 2 ans et demi en Martinique, j'ai vécu 6 semaines en Guadeloupe, à 5 années de différence. Moi, je trouve qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup plus d'histoires de djinns, de comment, enfin bon, en Guadeloupe, il y en a beaucoup plus. Bêtises. En Martinique, j'ai pas du tout vécu ça. Bon. J'ai rien vécu. J'ai fait un enterrement en Martinique et en Guadeloupe. C'est l'orchestre, c'est l'enterrement de celui qui est mort là, de Cassave, qui est passé à la télé. Ça c'était super beau. Par contre, la veillée, je sentais l'ambiance, je suis pas allée. On va passer à la musique de Seoul. On va passer à la musique de Seoul là. Je ne savais pas qu'il était mort, je suis bien content. Oui, alors, vas-y, on va montrer un peu la musique de Seol, et puis après on va passer un peu à Jérémy, une nouvelle création, et puis on va continuer. Vous pouvez nous appeler, Radio Métanoïac, vous pouvez parler de vos esprits, de vos djinns, de vos phénomènes étranges. Ben, du coup, la musique, elle s'appelle Unisex, mais ça n'a pas de rapport avec la musique, hein. C'est juste que le nom s'appelle Unisex. Et c'est un morceau que vous avez fait, vous ? Si, c'est un morceau que j'ai fait. Ah, Mais en fait, je l'ai. Tu pourras jamais. Si t'arrives à cliquer dessus, franchement, respect, mais impossible que tu cliques dessus. Vas-y. Impossible. C'est trop expérimental. Je relève le challenge. T'es sûr? Ouais, bah, vas-y. On était au GRM. Je relève le challenge. Bonne chance. Apparemment, c'est difficile à cliquer dessus. Hein. Attention, parce que je crois que c'est pas branché. Avec Martin et. Non, pas Béatrice. On était au GRM. C'est bon, ça, vas-y, lance. Where there is smoke, there is fire. Sur la cepla avec Quentin, à la bleuta, Louis qui a fait l'instrumental. Le... On est ensemble à la bleuta. Messieurs Spotlas, c'est nous qui sommes là sur la cepla. Attends, je laisse le truc s'imprimer, ok. Laissez rouler. Ok, ok, ok. Je perds du temps pourtant, je gagne ma vie pour quand en fait être utile, c'est d'abord être en vie pour l'an auquel tu vis. À force d'agir, on devient prêt à bâtir. Quoi qu'on puisse en dire, la puissance unie est aussi la puissance en vie. J'essaie de garder le sourire pour vivre sans souffrir. Le temps ne cesse de courir. Les souvenirs tombent dans l'oubli. On reprend, je perds longtemps du temps. Okay. Je perds du temps, pourtant je gagne ma vie. Pour quand en fait être utile, c'est d'abord être en vie. Pour l'an auquel tu vis, à force d'agir, on devient prêt à bâtir. Quoi qu'on puisse en dire, la puissance unie est aussi la plus lucide en ville. J'essaie de garder le sourire pour vivre sans souffrir. Le temps ne cesse de courir, les souvenirs tombent dans l'oubli. Yeah, yeah. Les souvenirs tombent dans l'oubli. Yeah, yeah. Les souvenirs tombent dans l'oubli. Oui, on revient. Attends, juste pour dire, Siol, est-ce que c'est magnifique ta musique là? C'est incroyable. C'est comment tu peux parler un peu, comment tu travailles, comment tu composes, que tu nous attendez un peu parce que là, il faut qu'on parle de ça quand même. Tu t'entends ou pas? Oui. Oui. Bah écoutez, ça a été fait lors d'un soir, inspiration après le SIAP, beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup d'agression. Et du coup, forcément, ça se répercute dans la musique, la guitare, les percussions. Et je pense que même les percussions, on me l'a toujours dit dans les commentaires que c'était très unique dans le sens où c'était très, très, très rapide. Je crois que c'est à 160 BPM. Donc, c'est énorme pour kicker. Et déjà, respect pour Jérémy. Bravo. Même moi, j'arrive pas à kicker dessus. Jérémy. Bravo. Bravo. Tous les deux. Hein. Ouais, mais ouais, non, c'est une musique que je pense que c'est que j'ai jamais fait ça auparavant. Enfin, vraiment une musique unique comme ça, ouais. Jamais j'en ai fait auparavant. C'est la première musique que je fais qui est autant agressive, et du coup, ouais, bah... Oui, mais c'est une agression, comment dire, communicative. Oui, voilà, en fait, c'est toutes les semaines que j'ai dû accumuler avec le SIAP, et bah, boum dedans, ouais. Directement. Oui, mais c'est ce qu'il y a de mieux, hein, pour la musique, pour exprimer toute l'agression interne, violence, tout ça. Sécurité incendie, assistance à la personne. Oui. Mais Sol, tu comment il s'appelle déjà le morceau, tu dis Unisex. Unisex. En fait, c'est à l'envers. En fait, c'est à l'envers, c'est Unisex, mais ça peut aussi se lire Sexe Uni. Mais c'est marrant. Mais... Unisex, Sexe Uni. Et tu le fais sur quel nom? Comment? Quel nom? Parce que tu as plusieurs noms pour composer. Ah oui, là, c'est Smoke. Smoke. 4TS Smoke. Et on peut te trouver sur SoundCloud? Oui, bien sûr. 4TS. Ben, on va dire 4TS Smoke. 4TS Smoke. Donc 4TS Smoke. Plutôt 4TS Smoke. False Smoke. Tu peux le appeler parce que sinon. 4 T ouais. Smoke, comme la fumée. Attends. 4 T, la lettre non. T, Smoke. Smoke. Pas de tentative de suicide. Non. 4T Smoke et sur SoundCloud, c'est ça? Yes. Ouais, non, parce qu'il faut dire que Siol, il change aussi tout le temps de nom d'artiste, de projet, des VPM, d'instruments, des jeans. Voilà, merci Siol d'être venu là parce que merci beaucoup. Ça nous manquait cette ça fait plaisir. Merci beaucoup. Cette singularité musicale, quoi. Voilà. Et Jérémy, tu assures. Hein, le... De ouf, hein, l'instru. Hein, le... Lourd de ouf, lourd de ouf. Merci hein, Jérémy, t'as calme. Géré, t'as géré. Ah, il faut bien, il faut bien. Tu veux dire, Jérémy, tu veux lancer un truc, un flow, là, toi, tout seul, avant qu'on revienne sur le... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. En acapella, bon, ouais. On va essayer, là, j'ai un petit truc en tête. Tu peux te mettre des boosts, si tu veux, ou comme ça, comme tu veux. Non, ça vas-y, va, vas-y. Là, je suis posé. Acapella, on va vas-y, acapella, on va essayer un petit acapella, vite fait. Je regarde un vas-y, peu. Vas-y, Jérémy, vite fait. Je suis acapella. En train de réfléchir. Metanoia. Ok. Bon, on va essayer celui-là. Celui-là, ouais, mais celui-là, on va essayer celui-là. Il est commercial. On va faire celui-là, ok. Ok. Ça fait Butterfly, avec toi je fly. Butterfly, tous les deux to the sky. Butterfly, avec toi je fly. Butterfly, tous les deux to the sky. Ensemble, ça fait Butterfly, vous devez suivre. Butterfly, avec toi je fly. Butterfly, tous les deux to the sky. Butterfly, avec toi je fly. Butterfly, tous les deux to the sky. Butterfly, ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, vas-y, vas-y. Là, Eric Minkinen de la radio l'a adoré. Et ça passe superbe. Et... Oui, allez-y, allez-y. Parlez pendant qu'il prend. Avec le micro, avec le micro. Qu'est-ce que ça veut dire, Missy? Merci. Merci. Merci. Merci. Oui. Bon, je suis né le jour de Saint-Pierre. Mais Missy, ça veut dire que c'est quelqu'un que. C'est compliqué. Je sais pas. J'ai beaucoup de savoir que ce nom, d'où ça vient. La Messie, c'est un quelqu'un que... C'est un missionnaire, peut-être. Oui, on vous écoute, hein. Continuez, on fait la transition encore avec un autre morceau. Comment mon nom que j'ai, c'est le foot. Oui, Messi, les joueurs de foot. Oui, qu'est-ce qu'il fait à Paris? Ce sont des fous, là, les Parisiens. Plein de jeunes bien. Et moi, j'aime pas trop parler. Parce que football, c'est mon truc. En tout cas, Pedro, on a un plaisir que vous soyez à Metanoia. Vous êtes bienvenu. Hein. C'est la première fois que vous venez. Mais vous ouvrez votre cœur. Là, ici, c'est la place. Ça fait une semaine que je suis ici. Avant de venir ici, j'étais dans un autre hôpital. J'ai passé 3-4 jours à rigoler. Les gens, ils disaient, qu'est-ce qu'il a? Plus ils me disaient, c'est toi là. J'ai bougé. Je parlais avec un monsieur qui s'appelle Laurent. Il était attaché. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais on est détaché là. Et puis, depuis 10 jours, que cette secteur 14, les patients sont en soins libres. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est obligé à être hospitalisé ici. Ça, c'est une révolution. Hein. On est les seuls en France, je crois. Ma soeur, ils m'ont. Nouveau, m'ont dit de venir avec moi. J'ai dit non, je suis grand, je vais tout seul. J'attends que ma femme appelle les flics pour que j'aille. C'est ce qu'elle a fait. Je suis content. Ok. Là, Metanoïac, nous, le Metanoïac. On entend, oui, mais attends, on attend que d'abord qu'il va mettre, Siol va mettre un peu le morceau. Oui, il y a Sol qui va un morceau, il va mettre un autre morceau, et puis après il y a Quentin qui va nous montrer un peu de musique. Mais tu vas chanter alors. Et puis Jérémy qui a une plume incroyable, quoi. Il arrive à faire un poème juste pendant la séance, il arrive à dire à mettre deux mots sur la musique unique. 4 T Smoke, il va nous mettre. Je cherche le son et du coup ça c'est l'arc 3 et je sais pas si je peux le montrer. C'est un arc très très doux. Très doux mais c'est l'arc final. Et je sais pas si je peux. Merci. Ouais. Oui. Micro, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il faut vous parlez au micro parce que sinon on ne comprend rien. Je suis un homme. Oui. Je ne peux pas trahir ma famille. Un ami, c'est un ami. C'est pour ça que je pleure souvent. Les gens ne comprennent pas. Je ne peux pas balancer un ami. On m'a fait de bien. J'ai tout dit. Je suis un homme heureux. Oui. Grâce au Seigneur. Parce que j'ai pris beaucoup. Je n'ai pas peur de sortir aujourd'hui, faire ce que je veux. Parce que j'ai de l'argent pour ça. Ma mère, elle disait, moi, je ne tue pas, mais je n'ai pas épousé. Elle me disait souvent ça. C'est après sa mort que j'ai compris. Qu'est-ce qu'elle voulait dire. Toute personne, mais elle peut payer pour... Et elle est morte avec toute sa famille. Oui, merci Pedro. Écoute, Siol, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce morceau qu'on vient d'écouter là? C'est toujours sur Forte Smoke ou... Oui, c'est toujours sur Forte Smoke. Et celle-ci, je l'ai écrite parce que c'était en fait ce qui résonnait en moi par rapport à la religion en général. Et en fait, j'ai écrit ce texte en racontant mon histoire, une créature immonde, voilà, que je resterai immonde, tralala. Mais du coup, le fait le plus important dans la musique, c'est que je parle en fait, pour la première fois, je parle ouvertement à un seigneur, ou je ne sais quel seigneur, ou bref, en tout cas, je parle à quelqu'un, à une puissance qui est au-dessus de moi. Et je lui dis clairement que j'ai déjà écouté ces versets, j'en ai déjà pleuré en écoutant ces versets. Et que j'attends le jour où j'aurai la foi. Mais si jamais je n'ai pas la foi et que je n'ai pas accepté cette personne dans mon cœur, j'accepte ma destinée de partir rejoindre les damnés. Oui, waouh, quelle parole, incroyable, hein, quel morceau, magnifique. Hein. Bravo, Seul, je suis toujours très admiratif de tout ce que tu fais en musique. Et là on va passer la parole à Quentin. Oui, attends, une question. Il y a une question pour Seul, là. Loïc. Oui. Créer tout ça. Bien sûr. J'ai une carte son, j'ai un micro, bon, c'est un Shure SM58. C'est à peu près l'équivalent d'un Shure qui est là, c'est un 57. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est celui-là, c'est un micro comme ça. Et j'ai une carte son, j'ai un bon logiciel de son pour la voix, et c'est tout ce qu'il faut en général. Un bon casque aussi, parce que le casque aussi, c'est important pour entendre tous les sons ambiants et tous les sons qui font partie de la musique. Et c'est tout ce qu'il faut. Après, le seul bémol, c'est que vu que je suis chez moi et qu'il y a ma mère et mon frère, j'attends qu'ils soient partis pour pouvoir chanter. Mais sinon, je peux chanter. Oui, maman de Seol, elle partait plus souvent parce qu'on avait besoin que Seol compose plein de choses. C'est un régal chaque fois que Seol nous amène de la musique, quoi. Vraiment singulier. Alors, il nous reste 9 minutes pour... Le premier avec Jérémy, là. Oui, Jérémy, vas-y, on nous reste 9 minutes, 6 minutes en direct. On va refaire le premier, là, que vous Jérémy, avez fait. Jérémy, Seol, et puis génial. Quentin, après. Les autres aussi étaient très bien. Ouais, le premier instrumental avec vas-y. Jérémy, là, vous étiez vraiment... Tu mets un instru et Jérémy fait le flow. Juste pour le fun. Et Quentin, vas-y, la voix aussi. Vas-y, Quentin, tu mets à chanter. C'est le moment. Tu deviens métanoïaque. La métanoïa te mit à chanter. Voilà. Oui, attends, branche le truc. Oui, branche, mais touche. Oui, mais attends, je vais pas monter le volume. Attends, c'est prêt, mais il faut pas. Laisse comme ça. Tu m'as dit, hein? Oui, c'est monté. Mais attends un peu. Mais si tu fais comme ça, ça. Attends. Mets play comme ça. Sinon, il faut que tu enlèves le casque du téléphone, tu sais, le protection. Ça, tu peux l'enlever, le truc autour. Tu vois, parce que c'est ça qui bloque un peu la connexion. Et Jérémy, tu es prêt? Quentin, tu es prêt? On va finir les dernières 5 minutes de Métanoïa en total impro. Comme, oui, vas-y, parlez pendant qu'on se prépare, monsieur Pedro. Le Messie. C'est une question que je me pose beaucoup. Ça doit être un missionnaire. Ça fait une missionnaire, ça fait une messie. Et elle donne sous la gueule tout le pauvre. Il a besoin de partir, là, de vacances. Oui, attends, il y a un problème avec les ports. Je vais essayer de régler ça, mais je ne suis pas sûr. Port 8002. Oui, je suis sur port 8002. Hein. Voilà, voilà. Eric, je suis sur port 8002. Mais, bah écoute, dernière 5 minutes. Hein. Voilà, voilà. Ouais, je reste sur port 8002 alors ? Ou je change ? Dis-moi. On prépare, dernière 5 minutes. Et... Ah d'accord, ok. Voilà, donc continuons. Vas-y. Seol, tu es prêt ? Ok, vas-y. Lance. Tu as lancé ? Pourtant je gagne ma vie. À force d'agir, on devient prêt à bâtir. D'agir, on en vient prêt à bâtir. Quoi qu'on puisse en dire, la puissance unique, ouais, Jérémy, est aussi de la quoi qu'on puisse en dire, la puissance utile. Quoi qu'on puisse en dire, la puissance unique, utile. Quoi qu'on puisse en dire, la puissance unique, est utile en ville. Quoi qu'on puisse en dire, quoi qu'on puisse en dire, la puissance unique est aussi de la puissance utile en ville. Quoi qu'on puisse en dire, on perd du temps. Pourtant, on gagne la vie. J'essaye de garder le sourire pour qu'on puisse en vivre sans souffrir. J'essaye de garder le sourire pour qu'on puisse en vivre sans souffrir. On perd du temps. On perd du temps là. Pourtant, on gagne la vie. Pour qu'on fait être rapide. Moi, je casse tout. Pour l'ordre auquel tu vis. Initié à la tuerie de masse, un fusil de chasse pour vous cibler. J'attends avec impatience votre arrivée. Engagé par la haine d'un élève harcelé. Une peur du mat, les cours vont commencer. Vous vous sentez encore intouchable, mais aujourd'hui vous passerez tous sous vos tables. Je me déplace de salle en salle pour tuer tous sous vos âmes. On perd du temps, mais je perds pas de temps pour tous vous tuer. Tout le monde est invité, personne ne pourra m'arrêter. Entrez dans la danse macabre, vous en sortirez de... La douce mélodie de la mort. Mon caillou en direction de son visage. Elle reste figée comme une image. Un dernier sourire pour elle. Une dernière balle qui vient défigurer son visage de pucelle. J'en ai un peu Loïc, on continue, attends. On perd du temps, comportement, ok. Comportement stoïque, aussi solide, sauf qu'il soit trop utile. Comportement aussi solide, sauf qu'il trop stylo, aussi logique. Comportement stoïque, aussi solide, trop stylo, aussi logique. Hostilo, du trop stylili. Oui. Ouais. Et bravo Loïc, Seol et Jérémy, Quentin, Pedro, Régis, tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine sur Radio Metanoia. C'était Et un footex. Désolé.